Ouais, non, c'était juste pour te dire que là, ça va. Le style ne va pas du tout avec la classique. Je sais pas quoi jouer là. C'est hyper. Comment dire, c'est trop électro, c'est dub, c'est. Ça va pas trop avec la guitare. Je sais pas trop quoi jouer. Là. Les deux accords là, ils tournent hyper vite. Là, c'est chiant. Ouais, là, non, là, faudrait que parte là. Je sais pas quoi jouer à la guitare là-dessus, il y a deux accords et puis ils changent hyper vite, t'as le temps de rien faire quoi. Par contre, coupe la transmission là. Ouais. Faut voir s'il dit bonjour.